La porte. Essaye de l'ouvrir. Ils sont où, là? Ah, c'est bon, elle est où? Elle est ouverte, la porte. Ils sont là. On est enregistré parce qu'au loin on entend encore le bruit de la route. Et ça pourrait. Enzo, tu veux écouter le bruit des feuilles? Ouais. De la pluie. Combat. Très fort, de plus en plus fort. Des orages éclatants. Mais pas qu'un petit peu fort. Très. La pluie qui tombe sur l'eau. Goulou, goulou, goulou. Bâton part loin dans la campagne, dans un grand trajet joyeux. Loup, il dort dans la forêt près d'un ruisseau adoré. Loup, loup, loup, loup, loup, loup, loup. C'est le vent dans la forêt. Termites mangent bois dans la forêt. Elles sont très toxiques, mortelles. Les feuilles sont rouges. Les feuilles sont comme sur le drapeau canadien. Les feuilles sont moches. Les feuilles font la fiesta dans les arbres de la forêt de la Double, à côté du feu. Allez, on y va.